pour Morgane, mon évidence. Non, non et non, il n'y aura plus de dragon à Gringotts. Monsieur Wesley, s'il vous plaît, baissez d'un ton. Je baisserai d'un ton quand je serai certain que plus jamais un dragon ne sera détenu. Foutez-y un épouvantard, des traqueurs, même une cromantule si vous voulez, mais pas un dragon. Ce n'est pas moi qui décide, monsieur Wesley. Alors amenez-moi ceux qui veulent de nouveau enchaîner un dragon dans les entrailles d'une banque. Un dragon a besoin d'espace, d'air frais, d'être libre. C'est de la torture de le garder emprisonné dans les profondeurs de la terre. Harry, qui arrivait en haut du grand escalier de pierre polie, s'arrêta net. Il reconnut immédiatement cette voix, grave, mordante, vibrante de colère. Une colère qui n'était pas nouvelle, mais cela faisait des années qu'il ne l'avait pas entendue. La voix de Charlie Wesley résonnait dans les couloirs de marbre blanc comme un marteau frappant l'enclume. Les gobelins, assis à leur secrétaire, s'étaient arrêtés d'écrire, les plumes suspendues au-dessus des parchemins. Il s'approcha lentement, les battements de son cœur faisaient vibrer sa cage thoracique. Il était là parce qu'il avait insisté pour être assigné au suivi de la reconstruction de Gringotts. Pas seulement parce qu'il était le chef du bureau des Aurores, mais parce qu'il avait des comptes à rendre. À la banque, au monde magique et à lui-même. Le souvenir de l'assaut sur la banque hantait encore ses nuits. C'était des années plus tôt, lorsqu'il avait cambriolé le coffre de Bellatrix Lestrange, aidé par Hermione et Ron, en libérant le dragon et s'enfuir par la coupole brisée par l'effondrement partiel du bâtiment. Le hurlement de la bête, les tintamarres qui étaient de la torture pour le pince de fer, Harry n'avait jamais pu l'oublier. Il poussa la porte de la salle de réunion. Au centre, Bogrod, le gobelin nommé responsable des travaux de réhabilitation de Gringotts, se tenait droit derrière une table de pierre grise incrustée de runes. Face à lui, Charlie, plus large, plus sauvage que dans les souvenirs de Harry, les cheveux roux tirés en arrière, la mâchoire serrée, les bras croisés d'un geste de refus, ses avant-bras étaient marqués de cicatrices longues et argentées, témoins d'une vie auprès des griffes des dragons, mais aussi d'un attachement viscéral à ces créatures. Sur le côté de la salle, Bill Wesley, dont, dans sa tenue de briseur de sorts élimé, observait la scène. C'était lui qui avait proposé de faire venir Charlie, contre l'avis de plusieurs départements. Il connaissait son frère, passionné par ces créatures depuis l'enfance. Il savait que face aux gobelins, il fallait de l'inflexible, pas du diplomate. Deux gobelins prenaient note en silence dans un coin. L'atmosphère sentait la poussière ancienne, l'encre fraîche et la colère contenue. Harry resta un instant sur le seuil, puis il vit une forme rousse tourner légèrement la tête vers lui. Charlie, il l'avait vu. Et malgré la tension qui tirait les muscles de son visage, une lueur familière passa dans ses yeux, une reconnaissance. « Harry, » dit-il, ni chaleureusement, ni froidement, juste un fait. Comme s'il avait toujours su que Harry finirait par arriver ici. Harry s'avança, hocha la tête. « Je vois que l'ambiance est aussi explosive que les coffres maudits. » Bogrod émit un grognement sourd. Bill esquissa un rictus. Charlie haussa un sourcil, mais ne répondit pas tout de suite. Il haussa les épaules, les muscles tendus sous ses cicatrices. « Tu sais ce que ça faisait, Harry » murmura-t-il la voix rauque. « Ce dragon enchaîné ici, sous terre, aveuglé, torturé, se nourrissant de rongeurs. Ça ne peut pas recommencer. » Même avec une nouvelle ère, une nouvelle banque, une nouvelle sécurité améliorée, c'est inhumain. Harry soutint son regard. Il revoyait ce jour, le rugissement de la créature, le battement de ses maigres ailes, la lumière aveuglante du ciel qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies, le souvenir du placard chez les Dursley, le noir. « Je suis d'accord, » répondit-il, « et je vais faire en sorte que ta voix soit entendue. » Un silence s'installa, d'abord lourd, épais, puis porteur d'une flamme nouvelle, légère, moins conflictuelle. Une sorte d'alliance naissante. Harry sentait son pouls ralentir. Il y avait entre eux quelque chose d'implicite, d'ancien et d'inexploré. Harry n'avait pas ressenti cela depuis longtemps, constamment refroidi par les remarques de Molly. Elle n'était pas là, bien sûr, mais son ombre planait intransigeante. La mère qui avait toujours rêvé d'un avenir parfait, Ginny et Harry, mariés unis, le héros du monde sorcier et sa fille unique, son enfant chéri, le rêve de toute une génération. Et voilà que ce rêve s'était évaporé depuis longtemps. Ginny, désormais reporter pour la Gazette du Sorcier, sillonnait le monde avec une médicomage norvégienne dont elle partageait la vie. Et Harry, lui... Harry se tenait là, face à Charlie, le fils incontrôlable, l'exilé volontaire, celui qu'on invitait aux fêtes de famille sans vraiment savoir s'il viendrait. Charlie qui revenait pour défendre un dragon, et sans que Harry ne le sache encore, peut-être un peu plus. Ce jour-là, ce ne fut pas une simple réunion, ce fut un début. Le soir même, la grande salle des archives nouvellement restaurée de Gringotts accueillait une soirée peu commune. Un rassemblement interespèces organisé par le département de la coopération magique internationale. Officiellement, il s'agissait de renforcer les liens entre les sorciers, les gobelins, les elfes de maison et même quelques représentants centaures afin de construire une paix durable après les fractures de la guerre. Officieusement, c'était un test diplomatique soigneusement mis en scène. On voulait voir qui pouvait encore s'asseoir à la même table que les autres sans relancer un conflit. Bill Wesley, avec un instinct aiguisé et son flair pour les situations à double fond, avait tout de suite compris ce qu'on cherchait à faire. Tester les limites. Voir si les blessures de la guerre pouvaient cicatriser dans le velours doré des réceptions. Mais il y voyait autre chose aussi. Une opportunité. Celle, peut-être, de sortir Charlie de son isolement. Il l'attrapa par le col de sa chemise en lin, l'entraîna vers la salle, le ton faussement léger. « Juste une heure, Charlie. Mange un morceau. Boire un verre ne t'a jamais tué, que je sache. Et je suis sûre que Harry y sera. T'as pas arrêté de parler de lui toute la semaine. » Charlie lui lança un regard noir, mais ne nia pas. Il grommela un truc sur les gobelins hypocrites et les elfes de maison qui n'avaient jamais eu de sens de l'humour, mais il se laissa faire. La salle scintillait, littéralement. Des guirlandes enchantées flottaient au plafond, se teintant de mauve, d'argent ou de vert mousse selon le rythme du quatuor d'Ondine qui est joué dans un coin de la salle. Les tables étaient rondes, chargées de plats étranges et colorés, disposés pour plaire à toutes les espèces. C'était un ballet maîtrisé, diplomatique, mais il ne manquait pas grand-chose pour mettre les feux aux poudres. Charlie entra comme une chèvre dans un enclos de maguire à pointe, le regard fuyant, les épaules raides, comme s'il s'attendait à ce qu'un gobelin lui saute dessus ou qu'un elfe lui demande de danser. Il portait encore sa tenue de terrain poussiéreuse, les manches roulées sur des avant-bras, tannés, griffés. Ses bottes laissaient des traces sur le parquet ciré. Il faillit heurter une fée, Pesta, et se posta non loin du buffet avec un air revêche qui disait clairement « Que personne n'ose s'approcher de moi, sinon je mords. » C'est là que Harry le trouva. Il s'approcha doucement, deux chopes à la main. Il avait troqué sa tenue d'aurore pour une robe de sorcier sobre, vert foncé et avec des liserés couleur cuivre sur les manches et le col. Ses cheveux étaient toujours aussi désordonnés, mais il semblait détendu. Un apaisement fragile mais réel. « T'as l'air d'un ado puni, » murmura-t-il en lui tendant une des chopes. Charlie grogna, mais prit la bière. « Ce genre de truc, c'est pas mon univers. Les gens sourient trop. Ou pas, c'est selon les gobelins. Allez, viens. On s'assoit. Fais semblant d'apprécier, et je te promets de ne plus jamais te forcer à écouter un centaure déclamer des vers mystiques. » Ils s'installèrent à l'écart, une table semi-ombragée par une tenture enchantée représentant un ciel nocturne changeant. Loin du centre de la salle, loin du bruit, ils parlèrent. D'abord de tout et de rien, de leur journée, de la dernière réforme du département de contrôle et de régulation des créatures magiques, des absurdités administratives, puis vinrent les sujets plus sensibles. Rita Skeeter, toujours aussi venimeuse, avait récemment publié un pamphlet dans la Gazette du Sorcier, accusant Harry d'avoir trahi les idéaux fondateurs en encourageant des accords économiques avec les gobelins. Charlie avait lu l'article et comme à son habitude, il avait un avis tranché. « Elle veut juste du sang frais, » grommela-t-il. « Ça la dérange que tu n'aies pas épousé Ginny et que t'aies pas fait 3 gosses. » Harry haussa un sourcil. Le sujet était lancé, sans ménagement. Il sourit sans joie. Molly aussi aurait bien aimé que les choses soient plus simples. Charlie le regarda un instant. Un regard dur à définir. Ni moqueur, ni distant. Presque doux, compréhensif. Ma mère voulait des petits-enfants et des dimanches animés au terrier. Mais George s'est réinstallé chez elle. Pas vraiment le même style. Ils ricanèrent. Une gobeline passa avec un plateau d'amuse-bouche. Harry en prit un. Charlie refusa. Quand Harry manqua de s'étouffer, ils éclatèrent nerveusement de rire. Et pendant un moment, le monde sembla ralentir. Ce n'était pas grand-chose, un calme, une pause dans le chaos. L'orchestre changea de mélodie. Une vieille chanson irlandaise. Harry se mit à taper du pied sans y penser. Charlie pencha la tête. « Tu connais ?»« Ma tante aimait ça. Mon oncle la chantait dessus quand il avait trop bu. Ça me revient parfois. »« Ça t'arrive encore d'écouter ce genre de truc ?»« Rarement. Sauf quand je suis seule. Ou avec quelqu'un de confiance. » Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il vibrait d'autre chose. Une tension neuve, pas désagréable. Une sensation d'avoir ouvert une porte sans la franchir. Charlie fixait Harry. Son regard n'avait rien de brûlant. Il était calme, lucide. Et Harry soutenait ce regard sans détourner les yeux. « T'as changé, Harry. Toi aussi, Charlie. » Ils ne dansèrent pas. Ils ne se touchèrent pas. Ils restèrent là, deux hommes un peu cabossés à parler et à rire, en marge d'une soirée officielle. Ce soir, ils n'étaient ni héros ni marginaux. Juste eux. Mais au moment où Charlie s'éloigna pour saluer Bill et rentrer chez lui, Harry ressentit un manque soudain. Et lorsqu'il franchit le seuil de son appartement, il resta immobile, adossé à la porte. Il ne chercha pas sa baguette pour allumer la lumière, il resta là, dans le noir, pensant à Charlie, à leur éclat de rire, à cette absence qui, désormais, semblait plus lourde. Quelque chose avait changé. Et pour Harry, sans le comprendre pleinement à cet instant, savait qu'il n'était plus seul au centre de sa propre vie. Chaque jour, à midi pile, Charlie quittait le chantier principal, parfois maculé de suie, de saleté, ou d'une étrange substance visqueuse, vestige d'un coffre piégé qui avait défendu sa mémoire. Comme les gobelins disaient, le dragonnier s'était joint aux travaux le temps que la paperasse administrative concernant la présence ou non d'un nouveau dragon soit enfin terminée. Il rejoignait Harry, toujours fidèle au rendez-vous, près d'une rambarde en fer forgé, le balcon de la diplomatie selon Bill. Un coin tranquille, à l'abri des gobelins et des conversations trop polies. Un entre-deux suspendu entre les ruines poussiéreuses et le ciel nuageux de Londres. Au début, c'était simple, pratique. Ni l'un ni l'autre n'avait l'envie d'aller constamment jusqu'au chaudron baveur. Ils préféraient échanger des sandwichs, des thermos, des commentaires sur les travaux. Mais très vite, ce coin de pierre et de fer devint nécessaire, vital même. Charlie, toujours aussi brut de décoffrage, parlait peu de lui. Pourtant, avec Harry, les mots glissaient plus facilement. Il racontait ses années en Roumanie, les dragons, les plaies mal recousues, les cicatrices qu'il portait sans honte. Il parlait du Tibet, des ermites sorciers, des chants étranges des monastères, de la neige vivante, presque magique. « Là-bas, personne ne m'attendait », avait-il dit un jour. « Et personne ne me demandait pourquoi je n'avais pas de partenaire, ni pourquoi je préférais parler aux bêtes plutôt qu'aux gens. » Harry n'avait rien répondu. Il n'en avait pas eu besoin. De son côté, il évoquait ses souvenirs de Poudlard, son travail au bureau des Aurores et plus rarement la guerre. Mais parfois, les mots sortaient, les doutes, le poing d'un nom trop grand pour un seul homme. Il confia presque sans s'en rendre compte. « Depuis que Kingsley a quitté le ministère, je me rends compte à quel point je m'appuyais sur lui pour savoir qui j'étais. Maintenant, je cherche encore. » Charlie n'avait pas commenté. Il s'était contenté de lui tendre une part de tarte à la mélasse, ramassée la veille au terrier. Un geste banal, mais une attention presque délicate. Peu à peu, les sujets changèrent. Ils parlèrent des Wesley, de souvenirs d'enfance, de musique. Charlie détestait les Bizarre Sisters, ce que Harry prenait presque comme une insulte personnelle. De plats bizarres, Harry vouait un culte obscur au chou de Bruxelles caramélisé, qui rendait Charlie incrédule mais admiratif. Il riait, beaucoup, et souvent de rien. Et puis, il y avait les silences. Pas les silences pesants, non. Ceux où l'on se sait bienvenu, même sans rien dire. Ceux où l'on est chez soi simplement parce que l'autre est là. Parfois, leurs genoux se frôlaient. Qu'un des deux ne bougeait. Un jour, Harry posa la main un peu plus près de celle de Charlie, la frôlant. Celui-ci ne recula pas. Le lendemain, sans un mot, il lui tendit un petit pain chaud, acheté tôt au marché sorcier. Il avait traversé Londres en avance, juste pour ça. Leurs rendez-vous s'étendirent au fin d'après-midi. Parfois pour une glace, parfois pour une bière dans une taverne moldue où personne ne pouvait les reconnaître. D'autres fois, Charlie lui proposait de venir voir des créatures blessées par les trafics d'ingrédients vendus au marché noir, récupérés et gardés en quarantaine dans des hangars sécurisés. Harry disait oui à chaque fois. Il aimait ces moments. Il aimait la manière dont Charlie existait, sans masque, sans excuses. Il l'aimait, peut-être, pour sa capacité à être entier, même au milieu du chaos. Et surtout, Harry attendait avec impatience ces moments. Il comptait les heures, il souriait en voyant Charlie approcher, même recouvert de crasse. Il se sentait plus léger quand il était là. Un jour, après un déjeuner écourté par une explosion dans une salle annexe, un artefact sombre mal contrôlé par les gobelins, Charlie le retint par la manche. Geste rare, presque timide. Harry ? Oui ? Je suis content que tu sois là. Tous les jours. Harry ne sut quoi répondre. Il ouvrit la bouche, rien ne sortit. Alors il sourit. Un peu bêtement, mais sincèrement. Charlie le fixa, puis détourna le regard, haussa les épaules comme si ne rien n'était. Mais pour Harry, c'était tout. Car dans ce monde qui exigeait toujours plus de lui, être brave, être fort, être hétéro, être exemplaire, Charlie Wesley n'exigeait rien. Et c'était peut-être la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais offerte. C'était un jeudi. Il pleuvait sur Londres. Une pluie fine, verticale, presque polie, comme si la ville voulait ménager ses habitants fatigués. Charlie attendait Harry à l'entrée du vieux bâtiment qu'il squattait depuis le début des travaux, un ancien appartement de sécurité gobelin, reconverti en logement de fortune. Une porte bancale, un couloir étroit, des escaliers en colimaçon qui grincent. Et puis, au dernier étage, un petit loft biscornu, avec des poutres apparentes, des murs blanchis à la chaux et des dizaines de cartes magiques épinglées un peu partout. « Fais pas attention au bordel, hein, » grogna Charlie en refermant la porte derrière eux. Harry sourit. Il ne voyait pas le désordre, juste un espace qui ressemblait à celui qu'il habitait. Il y avait des tasses mal lavées, une veste en cuir jetée sur une chaise, un sac de transport pour créatures magiques au pied du lit, des traces de vie, d'indépendance. « Tu vis vraiment là ?» demanda-t-il en posant son manteau sur le dossier du canapé qui se trouvait près de la petite fenêtre du salon. « Ça me suffit. J'ai pas besoin de grand-chose. » Ils restèrent debout un instant, l'un face à l'autre, les jambes un peu raides, comme s'ils étaient deux adolescents pâteaux. Puis Charlie fit un pas, lentement. Il prit la main d'Harry, comme il l'avait fait quelques jours plus tôt. Mais cette fois, il ne la lâcha pas. Il le guida vers la cuisine, prépara deux thés d'une main sûre qui reflétait l'habitude. Démarra un peu de musique, un vieux vinyle moldu, du folk lent, presque instrumental. Puis ils s'assirent sur le canapé usé, trop petit pour deux, mais assez large pour qu'ils se frôlent sans se gêner. « Tu viens souvent ici avec des gens ?» demanda Harry, presque malgré lui. Charlie le regarda, pencha légèrement la tête sur le côté, s'enfonça plus profondément dans les coussins. « Non, jamais en fait. » Un silence. Ni gêné, ni lourd. Juste dense. Harry tourna la tête et regarda Charlie. Il remarqua la ligne de sa mâchoire mal rasée. Une cicatrice sous la tempe gauche. Des taches de brûlure ancienne sur ses avant-bras nus. Il sentait cette odeur de cuir, de feu et de menthe. Unique. terriblement reconnaissable. « J'ai eu peur que tu recules, » dit Charlie, très bas. Harry hocha la tête. « J'ai eu peur aussi. » Et alors, sans réfléchir davantage, sans discours ni fioriture, il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser maladroit, loin des baisers de roman à l'eau de rose, un vrai baiser, lent, hésitant. Charlie répondit, d'abord doucement, puis avec plus d'assurance. Il posa une main derrière la nuque d'Harry. Ses doigts étaient rêches, mais chauds. Ils s'embrassèrent longtemps, jusqu'à ce que la musique s'éteigne, que le contenu de la bouilloire est refroidi, que le monde extérieur n'ait plus d'importance. Plus tard, ils s'allongèrent, l'un contre l'autre, sans aller plus loin, pas encore. Juste des corps fatigués, pressés l'un contre l'autre, dans une lumière tamisée. Harry leva sa tête contre l'épaule de Charlie, le nez sous l'angle de sa mâchoire. Il ferma les yeux, respira, écouta les battements calmes sous sa joue. Il n'avait pas connu beaucoup de moments comme celui-ci. Des moments où il se sentait à la fois fragile et protégé. « Tu sais, » murmura-t-il, « c'est la première fois depuis très longtemps que je me sens... bien. » Charlie ne répondit pas. Il serra juste un peu plus ses bras autour de lui. Et dans le silence, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé. Que l'après ne ressemblerait plus à l'avant. Mais qu'en cet instant précis, ce n'était pas grave. Ici, dans cette pièce étrange, à l'abri de tout, ils étaient deux. Et c'était suffisant. Les jours qui suivirent, leurs nuits furent étrangement simples. Ni l'un ni l'autre ne chercha à définir ce qui avait eu lieu. Ils se retrouvaient toujours au même endroit, à la même heure. Et désormais, il y avait ce glissement subtil. Une main sur l'épaule, un baiser rapide. Une habitude nouvelle qui ne demandait ni promesse ni discours. Mais dans le silence tendre de leur bulle, le monde recommençait lentement à cogner. Le travail, d'abord. Les gobelins réclamaient le respect des délais. Les parchemins s'empilaient. Les disputes s'enchaînaient. Charlie, pourtant stoïque, commençait à montrer des signes d'exaspération. Il supportait mal les réunions interminables, les horaires imprévisibles, les décisions hâtives. Harry, lui, avait l'impression de flotter entre deux réalités. Une vie de rapports ennuyeux à rédiger entre deux descentes sur le terrain, et cette autre, plus dense, plus brûlante, avec Charlie. Puis il eut les regards, ceux qu'on surprenait dans les couloirs, les questions qui n'étaient pas posées mais qui flottaient dans l'air. Harry se surprit à se redresser quand Charlie entrait dans une pièce, à chercher sa voix, à rire un peu plus fort, et surtout à faire taire cette vieille habitude, l'envie de tout cacher. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant moldu, à l'abri du monde sorcier, Charlie effleura sa main sans prévenir. Un geste banal, mais dans la lumière jaune des lampes à l'huile, Harry sentit une chaleur monter en lui. « Tu penses qu'on devrait leur dire ?» demanda-t-il. Charlie haussa les épaules, les yeux sur son assiette. « À qui ?»« Ta famille, Molly, les autres. » Charlie grimaça, agacé, puis se redressa. « Ils s'en doutent déjà, je pense. C'est maman qui fait semblant de pas voir. Elle n'admet pas qu'il n'y aura jamais de Madame Wesley. » J'ai peut-être mentionné que tu avais passé quelques nuits chez moi, et elle m'a répondu que c'était normal, que tu es comme un fils pour elle, et qu'entre frères, il faut serrer les coudes. Elle m'a dit la même chose quand je suis passée au terrier avec Teddy. Je lui ai demandé quelle était ta marque préférée de dentifrice, vu qu'avec deux brosses à dents, le tube se termine plus vite. Harry jouait avec le bord de sa serviette, stressé, rempli d'incertitude. Il souffla longuement. Je veux pas que ce soit un secret. « Pas parce qu'on a besoin d'approbation, mais parce que je veux être entier, pour une fois, avec toi. » Charlie le regarda longuement, serra les doigts de l'homme en face de lui, et puis hocha la tête. « Alors on leur dira, mais à notre rythme. » La grande fête battait son plein au terrier. Molly avait dressé de longues tables dans le jardin, couvertes de nappes rouges et dorées, les couleurs de Gryffondor, pour faire honneur à la maison familiale. Des guirlandes enchantées flottait au-dessus des convives, diffusant une lumière douce et chaleureuse, tandis que les lanternes virevoltaient autour du vieux chêne où les enfants jouaient à attraper des lucioles. Ce soir-là, la famille Wesley fêtait un double événement, les 50 ans d'Arthur et l'ouverture de la cinquième boutique Wesley, farce pour sorciers facétieux, que George venait de célébrer à Dublin. Molly, dans sa robe prune favorite, rayonnait de fierté de voir sa famille réunie. Elle courait de table en table, servait du punch pétillant, ajustait la robe de victoire, vérifiait les pâtisseries et lançait un regard appuyé vers l'allée à chaque nouvel invité. Elle voulait que ce soit parfait, pour Arthur, pour George, mais surtout pour que tout le monde voie à quel point sa famille restait unie et brillante, à quel point tout allait comme elle l'avait toujours rêvé. Mais lorsque Harry et Charlie arrivèrent côte à côte, bras contre bras, le rêve trembla. Ils s'étaient simplement présentés ensemble, s'étaient adressés ensemble aux autres, s'étaient assis ensemble sur le même banc sous le saule, légèrement à l'écart des autres, un verre à la main. Les regards parlaient à leur place, et lorsqu'Harry glissa doucement sa main sur le genou de Charlie, dans un geste de tendresse, Molly comprit. Elle serra les lèvres, lissa son tablier sans un mot, tourna les talons et s'en alla s'affairer au buffet avec empressement. Plusieurs membres de la famille remarquèrent le mouvement. Ginny, la première, adressa un regard complice à Harry, suivi d'un sourire sincère à Charlie. Bill leva son verre vers eux avec un petit signe de tête. Fleur leur fit un clin d'œil, Percy toussa dans son verre de vin de sureau. Hermione ouvrit grand les yeux et donna un coup de coude à Ron qui fronça les sourcils. George, occupé à épater sa nièce Roxane avec un feu d'artifice miniature, ne sembla rien remarquer tout de suite. Mais le silence de Molly, lui, s'abattit comme une cape d'invisibilité. Ce fut Arthur qui, le premier, tenta de détendre l'atmosphère. Il leva son verre, d'une main tremblante mais ferme, et déclara avec son sourire chaleureux « Je suis simplement heureux de voir toute ma famille réunie. Et même si je n'ai pas toujours compris ce que faisaient mes enfants, je n'ai jamais cessé d'en être fier. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Mais Molly, elle, restait raide, le visage fermé, les mains jointes devant elle. Alors Charlie se leva, doucement, et Harry fit de même. Tous les regards convergèrent vers eux. Charlie ne cherchait pas à faire un discours. Il n'aimait pas ça. Mais il savait que ce moment ne pouvait plus être reporté. Il posa une main sur l'épaule d'Harry, doucement, puis regarda sa mère. « Maman, je sais que ce n'est pas ce que tu avais en tête. Je sais que tu avais imaginé autre chose pour Harry et pour moi. Mais voilà, on est ensemble. Et ce n'est pas juste une passade. » Un silence. Molly baissa lentement les yeux vers le sol. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux brillaient de larmes. « Ce n'est pas ce que j'avais espéré, » dit-elle d'une voix ferme. « Ce n'est pas ce que j'avais rêvé. Pendant toutes ces années, Harry, tu faisais partie de cette famille, depuis longtemps. Mais je voulais que tu sois avec Ginny. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Harry avança d'un pas, sa voix calme et posée. « Molly, Ginny a sa vie. Elle est heureuse. Elle voyage. Elle construit quelque chose de fort avec Astrid. Moi aussi, j'ai le droit à une histoire qui me rend heureux. » Et cette histoire, c'est avec Charlie. Charlie ne broncha pas, mais sa main vint effleurer les doigts de Harry, avec une discrétion étonnamment tendre. Il y avait dans son regard une crainte qu'on ne lui connaissait pas, un éclat vulnérable. « Avec lui, reprit Harry, je me sens bien. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle, ni de cacher qui je suis. Je n'ai pas choisi Charlie. Il est juste devenu une évidence, mon évidence. » Les larmes coulèrent des yeux de Molly, mais elle secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ce que j'avais espéré, » répéta-t-elle. « Mais ce n'est pas à moi de choisir. » Elle s'éloigna vers la maison, à pas lent et lourd. Arthur la suivit au bout de quelques secondes, posant au passage une main bienveillante sur l'épaule de son fils. Puis George, comme pour briser le silence, lança un pétard enchanté dans le ciel qui explosa en une myriade d'étoiles dorées, formant un dragon ailé qui tourna autour du vieux chêne. « Bon, » dit-il, « si tout le monde a fini de faire son coming out et de créer des silences dramatiques, on peut faire la fête ?» Un rire timide se fit entendre, puis deux. Puis tout le jardin sembla respirer à nouveau. Ginny vint serrer Harry dans ses bras, Bill donna une tape dans le dos de Charlie. Et ce soir-là, pour la première fois, ils ne rentrèrent pas chacun de leur côté.